Okay, money. Je repense aux frères qui sont là-haut. J'ai un drôle de caractère, on me dit le S, tu parano. C'est vrai, des fois je suis bipolaire, envie de les baiser par amour. Là tu m'as choqué, je suis parti sans te dire un mot. Les yeux rivés vers le ciel, je repense aux frères qui sont là-haut.